J'ai voulu protéger des colères du ciel. Tous les gens, les familles qui vivaient ici, ériger le temple éternel pour que le temps s'arrête aussi. La tour universelle dans un souffle de vie, dans la fumée blonde sur le toit du monde, tourné vers le ciel, puis perdu dans l'ombre et sous les décombres, la tour de Babel. La force des hommes, quand la vie nous donne l'histoire la plus belle, puis tout nous reprendre sans rien y comprendre, la tour de Babel. La puissante invincible au doux reflet d'or, a brisé les espoirs qui brillaient encore tout autour de la tour de Babel. Et dans un refrain solennel, la tour universelle disparut dans un cri. Dans la fumée blonde sur le toit du monde, tourné vers le ciel, puis perdu dans l'ombre et sous les décombres, la tour de Babel. La force des hommes, quand la vie nous donne l'histoire la plus belle, puis tout nous reprendre sans rien y comprendre, la tour de Babel. Elle est belle parce qu'elle est simple et sincère. Cette aventure de la tour de Babel nous a appris la sagesse. Si nous n'avions pas été prétentieux, si nous n'avions pas provoqué Dieu, notre peuple serait resté soudé et heureux. La sagesse, c'est ça! La sagesse nous permettra de trouver enfin la clé de la vie. Et lui? Il va rester planté au milieu de la chambre combien de temps? Merci, Nemrod. Grâce à vous, nous allons poursuivre notre histoire sur le bon chemin. N'oublie jamais, petite Dolly, la sagesse. On n'oubliera pas, Nemrod, la sagesse. Nemrod? Eh, c'est pas le nom d'un rappeur américain, ça? Pignouf. Oh, regarde! C'est qui, cette statue? Attends, je regarde dans le livre. Elle a pas de nom. C'est une statue de sel. Elle se trouve sur une montagne au-dessus d'une ville appelée Sodome. En fait, cette ville ainsi que la cité voisine Gomorre ont été détruites par Dieu pour punir ses habitants de mal se comporter. Ah, décidément, il a passé son temps à tout détruire. Mais quel rapport avec cette statue? C'est ma mère. Ah, tu m'as fait peur. Qui es-tu? Je suis la fille de Lot. Et cette statue, c'est ma mère. L'histoire ne lui a jamais donné de nom. Elle nous a élevés, aimés, sauvés, mais dans le livre, elle n'a pas de nom. Avec ma plus jeune sœur, mon père et ma mère, nous avons escaladé la colline pour échapper à la destruction de Sodome et Gomorre que Dieu détruit sous une pluie de soufre et de feu. Une sorte de gigantesque tremblement de terre qui a anéanti notre peuple et nos maisons. Mais pourquoi il a fait ça? C'est ouf! Parce que les gens devenaient fous. Ils se comportaient mal. Ils ne respectaient plus rien, ni personne. Encore? Et parce qu'ils nous trouvaient bons et justes, Dieu a décidé de nous sauver, moi, ma famille, ainsi que 7 autres villageois. Alors nous avons couru dans la montagne. Dieu nous avait dit, partez et quittez Sodome et Gomorre, mais surtout dans votre fuite, ne vous retournez pas. Ne soyez pas curieux de contempler ce désastre. Celui ou celle qui se retournera et verra ce qu'il se passe se transformera instantanément et à tout jamais en statue de sel. Et alors? Nous avons couru. Ma mère courait derrière nous. La curiosité de savoir ce qu'il se passait et l'épuisement ont fait qu'elle s'est retournée. Elle vit quelques secondes la destruction de Sodome et Gomorre, ce que personne ne devait voir sans mourir. Puis, dans un souffle, le sel a figé son corps pour toujours. Sodome et Gomorre, on m'a raconté cette histoire à l'école. Eh ben, quelle histoire? Mon histoire fait partie de la plus belle histoire du monde.